cogne sa tête sur ta poitrine pour animer ton cœur. Elle avance à pas rythmés vers toi qui te retourne et la lâche. Elle se charge de poudre en attendant l'étincelle.